Vas-y dans la caisse PD, dans la caisse PD. Nique la mère à Zépec, je suis intelligent comme Béné. Vas-y dans la caisse PD, dans la caisse PD. Nique la mère à Zépec, je suis intelligent comme Béné. Ils veulent nous salir, ils veulent nous salir. On veut s'en sortir, eux ils veulent nous salir. Eux ils veulent nous salir, ils veulent nous salir. On veut s'en sortir, eux ils veulent nous salir. J'suis en 208 avec Curtis, j'ai un bigot qui peut faire augmenter ta liasse. La voix qui la baisse, décolle au cul. J'appelle les types pour qu'il les caillasse. On vit train de vie, mais j'ai pas eu le choix. C'est toujours mieux s'arracher à la gare. On m'a dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vida. J'ai répondu faire Paris Malaga. Je me suis fait tout seul dans la cité. Mon grand frère il a pas existé. Mentalité baisse, elle ou bénéfice. Amène de tranches à qu'on t'est excité. Façon soit ça passe ou ça casse, ça t'as dû le remarquer. Soit j'empile une alliance ou ça finit au parquet. La prison ça fait pas grave, c'est le temps perdu pour Nesby. Et pas tous de nous aux gens, alors qu'on sait qui est qui. Il est temps que le rap ça fait de la cité, faut que je me vestis. Faire pas mes couilles comme il faut, tu claques, car tu sais Redzi. Dans la caisse PD, fils de pute, nous on rigole pas. L'argent ça rend fou chez Tribun, pourquoi je te dis ça? L'argent ça rend fou chez Tribun. Vas-y dans la caisse PD, dans la caisse PD. Nique la mère à Zépec, je suis intelligent comme Béné. Vas-y dans la caisse PD, dans la caisse PD. Nique la mère à Zépec, je suis intelligent comme Béné. Eux ils veulent nous salir, ils veulent nous salir. On veut s'en sortir, eux ils veulent nous salir. Eux ils veulent nous salir, ils veulent nous salir. On veut s'en sortir, eux ils veulent nous salir. Assis t'as le terrain d'à côté qui débite. On va pas tarder à l'attaquer. Il est bon qu'à sucer des bites lui. On va pas tarder à l'attacher. Claquette polo, 28 de crime, on aime le boulot. Là, fin la passe est toujours la même. Comme quand il chame pas sa main un boulet. La meilleure attaque c'est la dev. Si tu veux que le terrain est tourne, faut la preuve. Ma mentalité a F-chain. Donc tu m'as la dire, je t'aime à une meuf. Génération 9,90. J'ai vendu plus de 90. Ça fait 2 ans que j'ai fuck la school. J'ai un bac plus de 8 en Chine. T'es venu à corbeille le côté Bogota. Ta vie c'était comment? Comme ta boca, t'es bon qu'à critiquer. Mais sur les réseaux sociaux, ta meuf est comment? Y'a la BDR, y'a le 59. La cité sous DR. Mais les types vendent la peur. Dans la caisse PD, fils de pute, nous on rigole pas. Dans la caisse PD, fils de pute, nous on rigole pas. L'argent ça rend fou chez Tribun, pourquoi je te dis ça? L'argent ça rend fou chez Tribun. Vas-y dans la caisse PD, dans la caisse PD. Nique ma mère à Zépec, je suis intelligent comme Béné. Vas-y dans la caisse PD, dans la caisse PD. Nique ma mère à Zépec, je suis intelligent comme Béné. Je sais pas sourire, grandi dans la misère, donc quand je sais pas sourire. La sacoche elle est chargée, si elle est que je vais courir. La sacoche elle est chargée, si elle est